Écris-moi souvent, écris-moi longuement. Correspondance d'Alfred et Lucie Dreyfus. Mémoire et journal de captivité. Texte réuni par Emmanuel Chevrière. Deuxième épisode, la dégradation et l'exil. Le 5 janvier 1895, conformément au verdict de condamnation du Conseil de guerre, le capitaine Dreyfus est dégradé devant le front des troupes, dans la grande cour de l'école militaire à Paris, en présence de nombreux correspondants de presse et d'une foule parisienne estimée à 20 000 personnes qui crie « À mort les Juifs ». La dégradation eut lieu le samedi 5 janvier. Je subis cet horrible supplice sans faiblesse. 9 heures sonnèrent. Le général Darras, commandant la parade d'exécution, fit porter les armes. Je souffrais le martyre. Je me raidissais pour concentrer toutes mes forces. J'évoquais pour me soutenir le souvenir de ma femme, de mes enfants. Aussitôt après la lecture du jugement, je m'écriai, m'adressant aux troupes, « Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée. » Un adjudant de la garde républicaine s'approcha de moi. Rapidement, il arracha boutons, bandes de pantalon, insignes de grade du képi et des manches, puis il brisa mon sabre. Je vis tomber à mes pieds tous ces lambeaux d'honneur. Alors, dans cette secousse effroyable de tout mon être, mais le corps droit, la tête haute, je clamais toujours et encore mon cri à ces soldats, à ce peuple assemblé, « Je suis innocent ». La cérémonie continua. Je dus faire le tour du carré. J'entendis les hurlements d'une foule abusée. Je sentis le frisson qui devait la faire vibrer, puisqu'on lui présentait un homme condamné pour trahison. Et j'essayai de faire passer dans cette foule un autre frisson, celui de mon innocence. Le tour du carré s'acheva. Le supplice était terminé, je le croyais du moins. L'agonie de cette longue journée ne faisait que commencer. On me lia les poings et une voiture cellulaire me conduisit au dépôt en passant par le pont de l'Alma. En arrivant à l'extrémité du pont, je vis par la lucarne de la voiture les fenêtres de l'appartement où venaient de s'écouler de si douces années, où je laissais tout mon bonheur. L'angoisse fut atroce. Au dépôt, je fus dans mon costume déchiré et en loques traîné de salle en salle, fouillé, photographié, mensuré. Enfin, vers midi, je fus conduit à la prison de la Santé et enfermé dans une cellule. Ma femme fut autorisée à me voir 2 fois par semaine dans le cabinet du directeur de la prison. Celui-ci se montra d'ailleurs parfaitement correct durant tout mon séjour. Ma femme et moi, nous continuâmes à échanger de nombreuses lettres. Samedi 5 janvier 1895. Prison de la Santé, soir de la dégradation. Ma chérie, te dire ce que j'ai souffert aujourd'hui, je ne le veux pas. Ton chagrin est déjà assez grand pour que je ne vienne pas encore l'augmenter. En te promettant de vivre, en te promettant de résister jusqu'à la réhabilitation de mon nom, je t'ai fait le plus grand sacrifice qu'un homme de cœur, qu'un honnête homme auquel on vient d'arracher son honneur, puisse faire. Pourvu, mon Dieu, que mes forces physiques ne m'abandonnent pas. Le moral tient, ma conscience qui ne me reproche rien me soutient, mais je commence à être à bout de patience et de force. Avoir consacré toute sa vie à l'honneur, n'avoir jamais démérité, et me voir où je suis, après avoir subi l'affront le plus sanglant qu'on puisse infliger à un soldat. Donc, ma chérie, faites tout au monde pour trouver le véritable coupable. Ne vous ralentissez pas un seul instant. C'est mon seul espoir dans le malheur épouvantable qui me poursuit. pourvu que je sois bientôt là-bas et que nous soyons bientôt réunis. Tu me redonneras des forces et du courage, j'en ai besoin. Les émotions d'aujourd'hui m'ont brisé le cœur. Ma cellule ne me procure aucune consolation. Figure-toi une petite pièce toute nue, de 4,20 mètres peut-être, fermée par une lucarne grillée. Un lit replié contre le mur, etc. Non, je ne veux pas t'arracher le cœur, ma pauvre chérie. Je te raconterai plus tard, quand nous serons de nouveau heureux, ce que j'ai souffert aujourd'hui. Combien de fois, au milieu de ces nombreuses pérégrinations parmi de vrais coupables, mon cœur a saigné. Je me demandais ce que je faisais là, pourquoi j'étais là. Il me semblait que j'étais le jouet d'une hallucination. Mais, hélas, mes vêtements déchirés, souillés, me rappelaient brutalement à la vérité. Des regards de mépris qu'on me jetait me disaient trop clairement pourquoi j'étais là. Ah, hélas, pourquoi ne peut-on pas ouvrir avec un scalpel le cœur des gens et y lire ? Tous les braves gens qui me voyaient passer y auraient lu, gravé en lettres d'or, « Cet homme est un homme d'honneur ». Mais comme je les comprends, à leur place je n'aurais pas non plus pu contenir mon mépris à la vue d'un officier qu'on leur dit être traître. Mais hélas, c'est là ce qu'il y a de tragique, c'est que ce traître, ce n'est pas moi. Écrivez-moi vite tous. Faites tout au monde pour que je vous voie bien vite, car mes forces m'abandonneront et il me faut du soutien. Fais enfin que nous soyons réunis le plus tôt possible, et que je retrouve dans ton cœur les forces qui me sont nécessaires. Je t'embrasse comme je t'aime. Samedi après-midi. Alfred. 5 janvier 1895. Mon bon chéri, quelle horrible matinée, quels atroces tourments. Non, je ne puis y penser. Cela me fait trop souffrir. Toi, mon pauvre chéri, un homme d'honneur, un chaud patriote, toi qui adores la France, toi qui as une âme si belle, des sentiments aussi nobles, subir la peine la plus infamante qu'on puisse vous infliger, c'est abominable. Tu m'avais promis d'être courageux. Tu as tenu parole. Je t'en remercie. Ta dignité, ta belle attitude ont frappé bien des cœurs, et lorsque l'heure de ta réhabilitation arrivera, le souvenir des souffrances que tu as endurées dans ces horribles moments sera gravé dans la mémoire des gens. J'aurais tant voulu être auprès de toi, te donner des forces, te réconforter. J'avais tant espéré te voir, mon pauvre garçon, et mon cœur saigne à l'idée que mon autorisation ne m'est pas encore parvenue et que je devrais peut-être attendre encore pour avoir l'immense bonheur de t'embrasser. Écris-moi, je t'en prie, bien vite, mon chéri. Dis-moi comment tu es, à quelles humiliations tu es encore en proie, comment tu te sens physiquement, si tes forces ne t'ont pas trahi, si tu peux prendre un peu de repos. Nos chéris sont bien gentils, ils sont si gais, si heureux. C'est une consolation dans notre malheur de les avoir si jeunes, si insouciants de la vie. Pierrot parle tant de toi et avec tant de cœur que je ne puis m'empêcher de pleurer. Je t'embrasse bien fort comme je t'aime. Lucie. Samedi, 6 heures. Dans ma sombre cellule, dans les tortures de mon âme qui se refuse à comprendre pourquoi je souffre ainsi, pour quelle cause enfin Dieu me punit ainsi, c'est toujours vers toi que je reviens, ma chère femme. C'est vers toi qui, dans ces tristes et terribles circonstances, as été pour moi d'un dévouement sans bornes, d'une affection sans limite. Tu as été et tu es sublime. Dans mes moments de faiblesse, j'ai honte de ne pas être à la hauteur de ton héroïsme. mais ce chagrin finit par ronger les âmes les mieux trempées. Le chagrin de voir tant d'efforts, tant d'années d'honneur, de dévouement à son pays, perdu par une machination qui procède bien plus du fantastique que du réel. À certains moments, je ne puis y croire. Mais ces moments, hélas, sont rares ici, car soumis au régime cellulaire le plus strict, tout me ramène à la sombre réalité. Continue à me soutenir de ton profond amour, ma chérie. Aide-moi dans cette lutte épouvantable pour mon honneur, que je sente ta belle âme vibrer près de la mienne. Quand pourrais-je te voir? J'ai cependant besoin d'affection et de consolation dans ma triste infortune. Hélas, j'ai bien l'âme courageuse du soldat. Je me demande si j'ai l'âme héroïque du martyr. Mille bons baisers pour toi, pour nos chéris. Que ces derniers soient ta consolation. Alfred Dreyfus. Écrivez-moi souvent et beaucoup. Songez qu'ici je suis seul du matin au soir et du soir au matin. Pas une âme sympathique ne vient adoucir mon sombre chagrin. Le 17 janvier au soir, Alfred Dreyfus est brutalement transféré vers le bagne de l'île de Ré, au dépôt Saint-Martin, où son régime de détention est très aggravé par rapport à celui qu'il a connu dans les deux prisons parisiennes. 19 janvier 1895, samedi. Ma chérie, jeudi soir, vers 10 heures, on est venu me réveiller pour m'emmener ici, où je suis seulement arrivé hier soir. Je ne veux pas te raconter mon voyage pour ne pas t'arracher le cœur. Sache seulement que j'ai entendu les cris légitimes d'un peuple vaillant et généreux contre celui qu'il croit un traître, c'est-à-dire le dernier des misérables. Je ne sais plus si j'ai un cœur. Ah, quel sacrifice vous ai-je fait en vous promettant le soir de ma condamnation de ne pas me tuer. Quel sacrifice fais-je au nom que portent mes pauvres chers petits pour supporter tout ce que je subis? S'il y a une justice divine, il faut espérer que je serai récompensé de cette longue et effroyable torture, de ce martyre de toutes les minutes et de tous les instants. L'autre jour, ton père me disait qu'il eût préféré être mort. Et moi donc, je préférerais 100 000 fois être mort. Mais ce droit, nous ne l'avons ni les uns ni les autres. Plus je souffre, et plus cela doit activer votre courage et votre résolution pour trouver la vérité. Dis à toute la famille qu'il faut travailler sans trêve ni repos, car tout cela est épouvantable et tragique. Écris-moi bien vite. Je t'embrasse comme je t'aime. Alfred. 21 janvier 1895. Mon bon chéri, ta bonne dépêche d'hier m'a procuré une vraie joie. J'étais terriblement inquiète d'être sans nouvelles de toi, et à l'heure qu'il est, aucune lettre ne m'est encore parvenue. Fort heureusement, je n'avais pas lu les journaux hier matin, et on s'était efforcé de me cacher l'ignoble scène de La Rochelle, sinon je serais devenue folle d'inquiétude. Quelle horrible chose que la colère de la foule! Pauvre Fred, quel épouvantable moment tu as passé! Au moins tu n'as pas été touché, j'espère. J'en pleure de rage. Mais cette attitude de la foule ne m'étonne pas. Elle est le résultat de la lecture de ces vilaines feuilles qui ne vivent que de diffamations et d'ordures, et qui ont écrit force mensonges, force fables, toujours acceptées volontiers par la masse. Mais rassure-toi, parmi les gens qui raisonnent, il s'est formé un grand changement. Tout le monde est unanime à le reconnaître. Je reçois des quantités de lettres de personnes indignées qui affirment ton innocence et me disent qu'il faut que nous ayons courage et confiance, que la lumière se fera. Ce matin, entre autres, j'ai reçu une lettre d'une dame anglaise. Cette lettre contient un bouquet de violettes, emblème de l'innocence. Elle me prie de te le remettre quand je te verrai. Oui, mon mari adoré, je suis fière de toi. J'avais toujours eu pour toi une affection immense, une adoration. Maintenant, je t'admire et je ne veux qu'une chose, c'est d'être auprès de toi et ne jamais te quitter. Tes petits-enfants sont trop jeunes pour savoir ce que tu es et ce que tu vaux. Mais dès qu'ils auront l'âge de comprendre, ils vénéreront leur père. Ils sauront te rendre par leur affection, leur dévouement. Le bonheur qui t'a été enlevé par cette odieuse condamnation. Adieu, mon bon chéri. Je t'embrasse comme je t'aime, mille et mille fois. Lucie. Le 14 février 1895. Ma chère Lucie, les quelques moments que j'ai passés avec toi m'ont été bien doux. Quoiqu'il m'ait été impossible de te dire tout ce que j'avais sur le cœur. Mon temps se passait à te regarder, à m'imprégner de ton visage, à me demander par quelle fatalité inouïe du sort j'étais séparé de toi. Plus tard, quand on racontera mon histoire, elle paraîtra invraisemblable. 16 février 1895, samedi matin. Mon pauvre Fred chéri, quelle émotion, quelle terrible secousse nous avons ressentie tous deux en nous revoyant. Toi surtout, mon pauvre et bien-aimé mari, tu as dû être extrêmement ébranlé. N'étant pas prévenu de mon arrivée, tu as eu une surprise trop violente. Les conditions dans lesquelles on nous a autorisés à nous voir étaient par trop pénibles. Lorsqu'on est séparé ainsi cruellement depuis 4 mois, n'avoir le droit de se parler qu'à distance, c'est atroce. Comme j'aurais voulu te presser sur mon cœur, te serrer les mains, pouvoir ainsi te réchauffer un peu, pauvre solitaire. Ah, quel déchirement j'ai éprouvé en quittant Saint-Martin, en m'éloignant de toi. C'était pour moi une telle joie de te voir, de te parler malgré toute la sévérité à laquelle nous étions soumis. Lucie. Le 21 février, je vis ma femme pour la dernière fois. Après l'entrevue qui eut lieu de 2 heures à 3 heures, et sans en avoir été informés l'un et l'autre, je fus prévenu subitement d'avoir à m'apprêter pour le départ. Les apprêts consistaient à faire un ballot d'effets. Avant le départ, je fus encore déshabillé et fouillé, puis conduit entre 6 gardiens au quai. Je fus embarqué sur une chaloupe à vapeur qui m'amena dans la soirée dans la rade de Rochefort. Je fus transbordé directement de la chaloupe sur le transport le Saint-Nazaire. Pas un mot ne m'avait été adressé, pas une indication ne m'avait été donnée sur le lieu où j'allais être déporté. À mon arrivée sur le Saint-Nazaire, je fus conduit dans une cellule de condamnés, fermée par un simple grillage, située sous le pont, à l'avant. La partie du pont en avant des cellules des condamnés était découverte. Le froid était terrible, près de 14 degrés au-dessous de zéro. La nuit noire. Un hamac me fut jeté et je fus laissé sans nourriture. Le lendemain soir, le Saint-Nazaire levait l'ancre. Écris-moi souvent, écris-moi longuement. Correspondance d'Alfred et Lucie Dreyfus, Mémoire et journal de captivité. Texte réuni par Emmanuel Chevrière. Aujourd'hui, la dégradation et l'exil. Avec Jean-Gabriel Nordman, Alfred Dreyfus, Geneviève Mnich, Lucie Dreyfus, Marina Moncade, la narratrice. Réalisation Nadège Antonini, Bruno Mourlan, Jean-Louis Deloncle, Annabelle Brouard, Étienne Vallès. La correspondance entre Alfred et Lucie Dreyfus est publiée aux éditions Mille et Une Nuits. Les mémoires et le journal de captivité de Dreyfus, 5 années de ma vie, sont publiés aux éditions de La Différence.